Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag d'Actu sur Radioactive, votre rendez-vous avec les initiatives locales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une toute nouvelle association culturelle sur le territoire, une asso qui porte le joli nom de Rêves en Liberté et dont l'objectif est de promouvoir la pratique du spectacle vivant. Tout à fait. Alors, si on parle de Rêves en Liberté aujourd'hui, c'est parce qu'une comédie théâtrale pleine d'humour sera interprétée par trois comédiennes de l'association, une pièce intitulée « Les poupées anciennes » et que vous pourrez découvrir le dimanche 2 juin prochain à 17h30 à la salle Val-de-Loire de Noisy dans le cadre du festival Noisy-Golo. J'accueille aujourd'hui l'équipe au complet, à savoir Catherine Buisson. Bonjour Catherine. Bonjour Marlène. Christine Montagne. Bonjour Marlène. Et Véronique Insinger. Bonjour Véronique. Bonjour Marlène. Alors toutes les trois, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radioactive. Merci à vous. Alors parmi ces trois filles pétillantes, les fidèles auditeurs de Radioactive retrouveront un timbre de voix bien familier, celui de Catherine qui anime deux créneaux sur notre grille de programme. On ne pouvait pas ne pas le dire, Catherine. Exquise, esquise et théâtrale, etc. Eh bien aujourd'hui, c'est elle l'invitée. Oui. On change de casquette. Hein. Voilà, c'est aussi intéressant d'être de l'autre côté. Alors toutes les trois, j'aimerais bien connaître en quelques mots votre parcours et peut-être aussi votre lien avec la pratique du théâtre. Est-ce que ça date d'il y a des années? Est-ce que c'est quelque chose de relativement nouveau pour chacune d'entre vous? On démarre peut-être par Christine qui est à ma gauche. Oui, alors pour moi c'est nouveau avec Catherine que j'ai rencontrée il y a déjà 2 ans. On a commencé le spectacle des poupées anciennes grâce à Véronique qui joue Germaine dans la pièce et qui cherchait à l'époque quelqu'un pour le rôle de Philomène. Et quand j'ai lu la pièce, j'étais dans un train en direction du Nord, et en lisant cette pièce, j'ai dit « Mais c'est formidable, elle est faite pour moi !» Parce que c'est exactement l'envie que j'avais de pouvoir jouer un jour sur scène. Et grâce à Catherine et Véronique, voilà, l'opportunité, c'est... Du sur-mesure. C'est formidable. D'accord. On s'amuse vraiment bien. Donc une pratique qui est relativement récente alors. Tout à fait. Catherine, est-ce que c'est également votre... Vous voyez, aujourd'hui exceptionnellement, est-ce que c'est aussi votre cas? Non, du théâtre, j'en avais fait. En fait, j'étais à Perpignan, je suis arrivée dans la région il y a 4 ans, et donc je voulais remonter la pièce pour finalement me permettre de connaître des gens, et puis j'avais envie de remonter cette pièce que j'avais jouée à Perpignan. Et donc j'ai demandé à mon frère, qui est dans le domaine de la musique, s'il connaissait... des femmes, puisque je cherchais 2 femmes, et il connaissait Véronique qui joue dans Ramon et les Cigales. D'accord. Et donc des femmes qui savent chanter et jouer de la musique aussi, parce que Christine, bon, elle a débuté dans le théâtre, mais en fait elle est musicienne et chanteuse aussi. Et donc mon frère m'a donné les coordonnées de Véronique, et Véronique connaissait Christine, et voilà comment le groupe s'est monté. C'est bien d'avoir des petits éléments comme ça de l'histoire un petit peu de cette troupe. Alors il nous reste quand même à avoir les propos de Véronique. Maintenant, elles ont tout dit en fait. Hein. Voilà, que puis-je dire de plus? Voilà, je suis musicienne, je fais partie du groupe Ramon et les Cigales, et comme disait Catherine, voilà, par l'intermédiaire de son frère, j'ai Mais fait la sa pratique rencontre. Du théâtre, elle est... Alors la pratique du théâtre, non. J'avais fait quelques petites pièces. Disons que dans le groupe Ramon et les Cigales, quand même... on a un petit peu de mise en scène. Donc, on chante, on joue, mais il y a souvent une petite histoire, donc il y a un peu de mise en scène. Donc, j'avais un petit peu quand même cette pratique depuis quelques années. Et puis, bon, par-ci, par-là aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait des petites pièces. Mais enfin, bon, ça n'allait pas bien loin. Ouais. Oui, mais Véronique fait quand même du spectacle. Oui. Mais surtout de la musique. Voilà. Ah, c'est un tout, hein. C'est plus de la musique que du théâtre. Mais maintenant, oui, j'ai bien développé ce côté-là. Alors, on a hâte de savoir de quoi parle cette pièce. Quel est le pitch et laquelle d'entre vous se lance pour nous l'expliquer? Je vais me lancer puisque je l'ai écrite, la pièce. Donc, en fait, ce sont 3 femmes mûres, on va dire, très mûres, qui se retrouvent. Elles sont du même village. À l'origine, elles étaient amies d'enfance dans la même classe et puis elles se sont perdues de vue. Et elles se retrouvent 30 ans après. Et leur rêve, en fait, ça a toujours été de chanter. Donc, elles sont tellement heureuses de se retrouver qu'elles décident de former un groupe, mais elles n'ont pas évolué de la même façon. Alors, il y en a une, Germaine, que joue Véronique, qui est restée au village, donc qui n'a pas vu grand-chose. Il y a Pauvre Germaine. Ce sont des clichés quand même. Il y a Christine, elle, qui est montée à Paris, qui a épousé un bourgeois, qui est devenue très bourgeoise, qui est très catholique. Et qui s'appelle Christine aussi dans la pièce. Non, qui s'appelle Philomène, d'accord. D'ailleurs son prénom hein, le porte bien. Oh, corne guidouille. Et puis il y a Rosie, donc, que je joue, qui elle est rookie et est partie faire le tour du monde, puis elle est assez sexy, quoi. Voilà, et donc... Elles décident de monter un spectacle. La pièce, c'est leur répétition. Et elles ne sont pas toujours d'accord. Donc, c'est un mélange de chansons. Et puis, elles parlent aussi de leur jeunesse. Et puis voilà, quoi. Globalement, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la comédie. On va rire. Ah, complètement. Ah oui, ah, oui, complètement, oui, complètement. Puis, on fait aussi participer un peu le public, par moment. D'accord. C'est une pièce qui dure combien de temps ? 1h15, à peu près. Ok. Alors, cette pièce, elle va être jouée le dimanche 2 juin à partir de 17h30 à la salle Val-de-Loire de Noisé, hein, on l'a dit en début d'émission. Quel est le tarif pour y assister ? C'est 8 euros, je crois, et 4 euros pour les jeunes. Il reste des places ? Oui, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, dépêchez-vous quand même. C'est ça. Alors, comment on fait pour se procurer les places ? Dépêchez-vous. Pour se procurer les places, je crois que c'est Christine qui va le dire. Il y a un numéro de réservation, un numéro de téléphone. C'est le 06 15 62 3201. Et je pense que vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet, bien évidemment, à savoir sur les pages Facebook de Noisy-Golo et puis également les poupées anciennes. Vous trouverez... Tout à fait. Toutes oui, on a une page Facebook. Et puis, Germaine, t'as pas dit grand-chose. Hein. Ah, mais moi, je suis timide. Je suis de la campagne. Mais toi, t'es pas timide quand on répète. Dans la pièce de théâtre... Qu'est-ce que t'aurais envie de dire sur la pièce ? Bah, venez très nombreux. Voilà. Venez nous encourager, hein, parce que c'est vrai que... Parle en face du micro. On joue quand même depuis pas mal de mois, on répète, et voilà, ça nous tient à cœur d'avoir beaucoup, beaucoup de personnes pour nous encourager, voilà. Donc venez nombreux, et puis je pense que vous passerez un très bon moment de rire. Et jusqu'à présent, toutes les trois, vous avez joué autre chose que les poupées anciennes ensemble ? Non. Non ? Non, non, non, non. Et quand cette aventure-là, vous tournerez la page ? Si vous lisez une pièce, qu'est-ce qui définira qui va interpréter qui ? Finalement, est-ce que ces fonctions, parce que je voyais là, vous avez chacune un trait de caractère bien différent dans cette pièce-là qui va être présentée. Ah, nous avons chacune un parcours très différent. C'est ça. C'est dans la pièce d'ailleurs. Ah, vous voyez ? Est-ce que ça joue justement quand il y a le choix d'un personnage à interpréter ? Est-ce qu'on y retrouve des traits de caractère qu'on a dans la vie quand même ? Moi, j'avoue, Marlène, que je me retrouve un petit peu dans cette pièce. Ouais. Et que par la suite, si vraiment Catherine insistait pour nous refaire une pièce de théâtre, j'aimerais qu'elle me trouve un rôle un petit peu proche de mon personnage. Et c'est-à-dire qu'il faut préciser que Philomène n'est pas toute seule dans la pièce. Elle a un JC. Voilà, et dans la vie, c'est pareil. Eh bien, on salue JC, alors, inévitablement, qui écoutera cette émission. Non, mais sans le vouloir, les personnages, en fait, ont été bien choisis. C'est vrai qu'on l'a fait relativement vite, mais après coup, je me dis, en fait, ça ne correspond pas si mal que ça. C'est vrai. Oui, enfin, en ce qui me concerne, c'était un challenge pour moi. Ah oui ? Parce qu'en fait, à Perpignan, je jouais Germaine. Ah oui ! Et c'était... Donc à l'opposé de Rosie, si j'entends bien. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Mais c'était un challenge pour moi parce que je trouve que c'est pas évident de jouer la sexy, la rookie. Enfin, pour moi. Hein. Mm-hmm. Voilà. Bon, mais finalement, elle se débrouille bien. Oh oui, très bien, très bien. Oh oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Elle me remet très souvent en place. Mais j'ai du répondant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de pratiquer le théâtre ? Est-ce que c'est les sourires des spectateurs ? C'est de vous retrouver entre copines ? Est-ce que c'est les applaudissements, les lumières ? Qu'est-ce qui vous plaît ? À la base, déjà, oui, c'est le fait de jouer avec des personnes avec qui le courant passe bien. Et avec qui on passe vraiment de très bons moments. Et puis après, ben, je ne sais pas, le plaisir de voir les autres sourire dans la salle, d'être heureux en fait, hein, de communiquer quand même une joie de vivre. Enfin, on essaie. Mm-hmm. Est-ce que ce serait le cas également si c'était quelque chose de plus dramatique ? Moi, pour moi, ce serait plus difficile. Oui. Moi aussi. Mais bon, on dit toujours que le rire n'est pas si facile que ça aussi à produire et à... Oui, c'est vrai. Mais bon... Fait. Après, ça dépend de notre personnalité. Moi, j'ai l'impression que j'aurais plus de mal avec du dramatique. Mais bon, il faudra peut-être qu'on essaie un jour. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je pense que oui, le rire, ça nous porte. Quoi. Quand les gens rient, ça nous porte. Vraiment, bah oui, hein, ça vraiment. Aide beaucoup. Après, un rôle dramatique, je pense que c'est plus le plaisir d'aller chercher en soi des choses... peut-être plus grave, quoi. Je pense que c'est une autre approche, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, puis le public réagirait forcément d'une manière différente. Et l'humour aide tellement, tellement dans la vie qu'il faut garder ça, absolument. Oui, oui, et puis, alors moi, ce que j'adore, c'est sur scène, c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller sur scène, qui ont peur aussi de parler en public et tout ça, et moi, ce que j'adore, c'est voir les gens qui nous regardent avec des yeux illuminés et qui, finalement, sont pleins d'empathie pour nous, et vraiment, moi, j'invite tout le monde à tenter le théâtre. C'est vrai ? Ah oui. Et on arrive à regarder les spectateurs qui nous regardent ? Ouais. Tout en n'oubliant pas son texte. Oui. Bah on essaie. Hein. Je dis pas que c'est toujours facile, mais bon. Oui, puis on regarde pas toujours les spectateurs, mais après, par moment, ben voilà, on réagit tous différemment. Ouais, moi, je pense que je me mets dans une bulle, alors que peut-être que Christine, toi, tu. Moi, j'aime les réactions et voir dans les yeux du public ce que ça fait et le partage. Et... Mais moi, j'aime bien aussi, mais c'est la peur, si tu veux, d'être déconcentré quelque part, ce qui fait que je me mets un peu dans ma bulle. Et bien sûr, c'est agréable de voir les gens qui sourient, qui rient, c'est ce qui nous porte et d'ailleurs. Et qui participent, qui chantent, qui applaudissent, c'est très très important. Ouais. Mais écoutez, on espère que vous aurez donné envie aux auditeurs de noter cette date sur leur calendrier, le 2 juin à Noisy. Ce sera donc dans la salle Val-de-Loire, dans le cadre du festival Noisy-Golo, dont on entendra parler dans Théâtral, etc., hein, puisqu'il y a un programme qui est bien plus large que simplement votre pièce. Mmh. Évidemment, vous ne faites pas à vous seul ce festival. Non, non, un programme très riche. Merci à toutes les trois d'être venues en parler. Je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone effectivement pour pouvoir réserver sa place, le 06 15 62 32 01. Donc n'hésitez pas, il y aura une petite buvette sur place, qui plus est, a priori. Donc tous les ingrédients seront là pour passer une très bonne soirée. Un petit mot à nos auditeurs pour se quitter. Christine, Moi je vais vous remercier Marlène pour nous avoir invités et nous faire la promotion de ce spectacle qu'on aura vraiment plaisir à jouer devant une grande salle, on espère en tout cas. Rendez-vous le 2 juin, merci. Merci Marlène. Avec grand plaisir Catherine. Ben, merci également, voilà. Comme disait Christine, au 2 juin, venez nombreux encore une fois. Eh bien, merci Véronique. Je rappelle quand même que ce spectacle s'appelle Les Poupées Anciennes et qu'il est joué par nos trois copines de l'association Rêves en Liberté. C'est la fin de ce mag. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et restez bien à l'écoute des programmes sur Radioactive.